3.2 Oral Comprehension. Phase 1. You will hear a phrase corresponding to each picture in the series below. Look at the picture and repeat the phrase. Oh, c'est un homme, un monsieur. Deux. C'est une femme, une dame. Trois. Ça, c'est des jeunes filles. Quatre. C'est un petit garçon. Cinq. C'est une petite fille. Six. Ça, c'est des jeunes gens. Phase 2. Look at pictures 1 through 6. You will hear phrases identified by letters A through F. Write the letter of each phrase under the picture to which it corresponds. Example. You hear, Ah, le monsieur là, c'est Monsieur Courtois. You write A under picture 1. B. La dame, c'est sa femme. C. Le petit garçon, je ne sais pas qui c'est. D. Ces jeunes gens sont étudiants. E. La petite fille, là, c'est Marie-Laure. F. Ces jeunes filles, je les connais.